Ce vendredi, à la vie en BD, du cirque dessiné, les fromages d'ici en une conférence dessinée et l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude. Dernière émission avec une petite pause parfaitement justifiée puisque la semaine prochaine, donc le vendredi 31 mars, eh bien ce sera le coup d'envoi du radiothon annuel de CKRL 89.1, une vaste, large et importante campagne de financement pour la station, avec un objectif cette année d'ailleurs de 42 000 $, ce qui est pas rien, un objectif évidemment qu'on ne pourra pas atteindre sans vous, chers auditeurs ou auditrices. Alors, ben évidemment, il y aura pas de vie en BD la semaine prochaine, mais je vous encourage vertement à syntoniser la station, tant à l'heure habituelle de l'émission que pour l'ensemble de la fin de semaine, puisque à chaque année, c'est toujours une grande fête radiophonique qui vous est offerte sur les ondes du 89.1, des spectacles, des rencontres, des émissions spéciales, et en parallèle, ben il y a plusieurs opportunités aussi qui vous seront offertes d'être généreux, de donner, entre autres, ben il y a toujours un encan, l'encan qui sera mis en ligne, notamment, là, je pense, dans le jour du Radiothon, là, avec, mon Dieu, presque 100 lots qui seront présentés, des lots extrêmement variés, et il y en a presque une dizaine également qui sont dédiés à la sphère de la bande dessinée. Alors, peut-être des collections qui vous intéresseront. Alors, ça vaudra la peine de jeter un petit coup d'œil également sur ckrl.qc.ca au fil de ce week-end. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine, évidemment, avec une pause. Je mentionne également que la semaine suivante, ben on revient dans la fête qu'est le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, puisqu'on aura une émission spéciale, nous, en direct du Centre des congrès de Québec à l'occasion de la 30e édition du Festival. Alors, ce sera pour nous une occasion d'aller à la rencontre de divers auteurs, divers invités, parmi les invités internationaux de l'événement. Il y en a quand même plusieurs. Alors, on va voir lesquels on mettra le grappin dessus, là, pour vous les proposer en rencontre. Ça sera donc le vendredi 7 avril prochain. Donc, toujours de 17h30 à 18h30. Mais bon, je me porte beaucoup dans l'avenir. Et là, vous dites, moi, mais ton menu d'aujourd'hui, Raymond, c'est quoi? Alors, ben, c'est très simple. On va lorgner, évidemment, autour de la sphère du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On a parlé déjà d'un spectacle la semaine dernière. On poursuit sur cette lancée. Il y en a quand même beaucoup. Une activité par soir du 1er au 9 avril. Des concerts dessinés, des conférences dessinées, des spectacles tout acabit et tout azimut. Alors, après avoir parlé donc du concert de l'Harmonie de Charlebourg, de la soirée spéciale de Front Froid, de manière plus détaillée, eh bien, cette fois-ci, on va se lancer maintenant sur le fabuleux cabaret numérique Cirque dessiné. On vous en avait parlé un peu l'an dernier. Donc, c'est la suite des exploration. Et cette fois-ci, j'ai choisi d'inviter Benoît Dunant, qui lui est un spécialiste des technologies et un jongleur. Alors, pour nous expliquer c'est quoi le pont qu'on peut faire justement entre le cirque, le dessin et les technologies. Alors, on va lui jaser dans quelques minutes. Également de passage, en deuxième moitié, il y aura Catherine Ferland, donc, qui est historienne et qui va nous parler des fromages du Québec. Elle fait une conférence dessinée avec Bach le 3 avril. Donc, comment on se positionne et surtout, c'est quoi le sujet? Je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire des fromages. Elle est très intéressante. Alors, ce sera l'occasion de la découvrir. Et en fin d'émission, on reste dans l'histoire, mais l'histoire du parlementarisme au Québec, l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec, avec un recueil BD qui s'appelle 1792 à main levée. Et pourquoi j'en parle également en amont du festival, c'est que l'album lui est lancé dans le cadre du festival, donc le 5 avril. Le 6 avril, il y a une grande rencontre donc pour aller dans les coulisses de cet album-là en compagnie de certains de ses artisans. Au Musée de la Civilisation. Il y a une exposition également qui sera présentée dans le cadre du festival. Alors, ça me semblait un bon moment en amont de tout ça là, pour vous en parler, pour vous donner peut-être un aperçu, un avant-goût de cet album. Alors, ça, ce sera en fin de parcours. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui à La Vie en BD, un menu également pour les prochaines semaines. Et évidemment, comme d'habitude, on commence l'émission avec quelques notules d'actualité, des notules d'actualité fort tristes pour commencer. En fait, deux décès que je vous signale, c'est jamais très agréable de faire ça, notamment Bernie Wrightson, qui est décédé le 18 mars dernier à Austin, aux États-Unis, à l'âge de 68 ans, et suite d'un cancer. Né en 1948, le dessinateur américain avait commencé à prendre des cours par correspondance au Famous Artist School, avant de travailler comme illustrateur au journal de Baltimore Sun. Il s'est spécialisé dans les comics d'horreur. Il est le créateur de la fameuse Swamp Thing avec Len Wein en 1971. Un icône, évidemment, de l'univers de l'horreur. La créature a fait l'objet de moultes adaptations au cinéma, à la télévision et ailleurs. Ah ben voilà, donc, disparition donc, de Bernie Wrightson. Également du côté américain, l'auteur de BD Jay Lynch, qui est décédé, lui, début mars le 5 à l'âge de 72 ans. Né le 7 janvier 1945, le dessinateur américain qui enseignait au Chicago Art Institute a participé au mouvement underground dans les comics des années 60. Après avoir collaboré au fanzine Wild et Jack High, il signe les aventures du chat Pat et de son maître Nard dans Nard and Pat et édite également Bijou, un comic book dans lequel sont publiées les bandes dessinées de Skip Williamson, Art Spiegelman ou Justin Green. Et sinon, deux petites mentions également avant d'aller en musique, simplement pour dire qu'il y a des campagnes de sociofinancement qui ont été démarrées dans les derniers temps côté BD, notamment Super Crash de Yves Bourgelat. Tome 2 de cette série, aux dernières nouvelles, il était à, mon Dieu, moins de 1 000 $ ou autour de 1 000 de son objectif, qui se termine incessamment. Là, allez faire un tour sur supercrash.net, KS, pour avoir un peu plus d'informations sur cette campagne et encourager Yves également. Et par ailleurs, il y a aussi une campagne objectif flexible qui a été lancée par Berber 1313, donc autour, entre autres, du tome 2 du Bouddha brisé et du tome 7, je crois, de la saga Bulle. Alors, si on peut avoir aussi de l'information, ben, en cherchant Berber 1313 ou sous-financement, vous devriez tomber facilement là-dessus. Sinon, ben, je voudrais faire aussi sur le Facebook de La Vie en BD. On a relayé les différentes campagnes au fil du temps, ou les Facebook, ben, de Berber et de Super Crash également. Alors, voilà pour ces clins d'œil à l'actualité en musique cette semaine. Ben, en fait, on reste un peu dans notre thématique des derniers temps avec Astro The Fox, et c'est un album qui s'appelle Square Wave Spaceship Start. On écoute un premier extrait. Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble de nos émissions, oui, l'ensemble de nos émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Alors, maintenant, on plonge donc dans différents événements spectacles qui vont avoir cours au fil du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Parmi ceux-ci, donc, deuxième phase autour du Cirque dessiné, une initiative à laquelle j'ai le plaisir de collaborer. Et j'avais envie de vous en jaser également en compagnie d'un de ses artisans qui est un peu aussi l'idéateur, l'initiateur à tout le moins de l'étincelle qui a mené à cette deuxième phase, donc ce fabuleux cabaret numérique Cirque dessiné qui sera présenté le 2 avril prochain au Musée de la Civilisation à 19h30. Benoît Duna, bonjour. Bonjour. Alors Benoît, en fait, tu étais un peu dans l'esprit de cette phase-là, dans le fond, de cette exploration-là, puisque de jour, tu travailles dans le milieu des technologies, dans la géomatique, de soir, dans tes loisirs, t'es jongleur, t'es aussi un amateur de bande dessinée. Qu'est-ce qui a fait, à un moment donné, où tu t'es dit, post-avril 2016, donc post-fabuleux cabaret imparfait, que ça pourrait être intéressant d'ajouter du numérique, d'ajouter des technologies à tout ça? Ouais, ben il y a peu de choses en fait dans le cirque qui existent, qui utilisent le numérique. Il y a des petites explorations qui sont faites, mais souvent il y a une petite difficulté pour les artistes de cirque à rencontrer le milieu du numérique. Puis moi, travaillant dans les deux, ben ça m'est venu naturellement. Puis ça fait longtemps que j'ai des idées de projets un petit peu de suivre des balles, tracer des faire des dessins avec les balles, fait que mélanger les trois, puis pouvoir faire des explorations comme ça, c'est vraiment intéressant. Oui, puis tu parles en fait de faire des dessins avec les balles notamment, ça c'est avec l'équipe d'interférence Arrêt Technologie, Louis-Robert Bouchard, donc c'est l'idée qu'on peut carrément installer des capteurs vidéo, puis suivre dans le fond les balles de jongleurs, dessiner avec ça, comment ça se passe? Ouais, ce qui est vraiment intéressant dans le spectacle, c'est qu'on a pu essayer, explorer tout un tas de technologies, fait qu'aussi bien du suivi vidéo d'objets comme les balles de jonglerie par exemple, que d'utiliser des capteurs comme la Kinect pour repérer dans l'espace en 3D, numériser en fait en 3D l'espace, puis voir les déplacements des personnes. Fait qu'il y a tout un tas de procédés qu'on a explorés, qu'on va présenter pendant le spectacle. Tu parles de la Kinect, entre autres. En fait, ça, c'est un peu en lien avec ton bagage de géomatique. Comment ça marche? Ouais. Rechercher, dans le fond, ça repère les corps dans l'espace, tu disais? La Kinect, c'est une sorte de, on va dire, un scanner 3D, là, pour faire simple. Dans le fond, elle va envoyer des petits lasers, puis récupérer de l'information sur les objets qui sont dans un, on va dire, dans une distance proche, entre 1 et 7 mètres, et ça va nous donner un nuage de points, fait que plein de petits points qui correspondent aux objets qui se trouvent dans cet espace 3D, un peu comme un écran de clou, là. Et ça va donner des effets assez intéressants visuellement qui vont être projetés en même temps, en fait, qui sont synchronisés avec les mouvements des personnes qui se trouvent devant ce capteur. Donc, dans le fond, on a littéralement le corps des artistes de cirque qui devient, dans le fond, un élément d'un dessin qui est produit par les dessinateurs. Exact. Et donc, ça, c'est un exemple d'éléments qu'on peut faire avec des Kinect, mais aussi, en fait, et ça, je crois que c'est aussi un de tes dadas personnels, donc la réalité augmentée. Donc, tu t'es lancé aussi dans la création avec certains des artisans du projet d'un numéro ou d'une exploration, tout le monde, autour des principes de la réalité augmentée. Oui, ça, la réalité augmentée, ce que ça utilise dans ce cas-là, c'est le flux de la caméra et en détectant un marqueur, on va pouvoir venir rajouter des éléments virtuels par-dessus le dessin. Fait que, par exemple, on pourrait penser à un arbre et on vient rajouter un élément des oiseaux virtuels qui seraient animés dans un dessin. Fait que ça permet de venir donner vie à du dessin. Donc, pour définir un peu, pour se faire une idée, est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est comment ça marche la réalité augmentée? La réalité augmentée, dans le fond, c'est qu'on a un petit logiciel qui vient reconnaître l'espace grâce à ce qu'on appelle un marqueur, c'est-à-dire que ça peut être une image, ça peut être ce qu'on connaît, ce qu'on voit souvent, c'est les espèces de petits QR codes, là, ces espèces de petites images en noir et blanc assez significatives. Fait que la caméra, au moyen du logiciel, vient comprendre où est positionné ce marqueur-là. Et sur ce marqueur-là, on s'en sert pour venir positionner les éléments 3D ou 2D par-dessus le dessin qu'on a fait. Et donc là encore là, l'idée c'est d'avoir, dans le fond, est-ce que c'est l'artiste de cirque qui a ces marqueurs-là et que ça vient être rajouté ensuite au dessin qui est projeté à l'arrière, dans le fond, à l'écran? Dans ce cas-là, on a utilisé plus ça comme un outil, on va dire, pour illustrer un des numéros. Fait qu'il n'y a pas d'interaction directe entre l'artiste et la réalité augmentée, mais on pourrait très bien imaginer, par exemple, que l'artiste tienne les marqueurs et que les objets se déplacent sur l'artiste, les objets virtuels rajoutés. Et c'est toujours, en fait, quand on entend parler, c'est toujours un peu hallucinant, en fait, d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Évidemment, il y a toujours des gros défis parce que le numérique, j'imagine, c'est, si tu dis, il y a pas tant de trucs qui sont faits en cirque, il y a un peu, j'imagine, une notion de défrichage aussi beaucoup dans un projet comme celui-là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant dans le spectacle, c'est que on présente plus un laboratoire d'exploration qu'un spectacle en tant que tel. Fait que dans la première phase, déjà, ce qu'on avait fait, il y a des choses, puis c'était volontaire, qui étaient un peu bricolées, puis le public voit, puis se prend au jeu en voyant qu'il y a des choses qui sont comme commencées, mais pas vraiment finies, dans le sens où on a voulu passer plus de temps sur explorer différentes pistes, puis sélectionner les plus intéressantes, que de vraiment créer quelque chose qui était rodé au poil. Puis le projet en tant que tel, aussi la façon dont il est construit, ça nous permet pas de d'avoir un spectacle qui est répété des milliers de fois comme ça pourrait être le cas pour certains spectacles de cirque. Oui, j'imagine c'est un peu comme l'an dernier. Dans le fond, c'est le genre d'initiative où le public, la réaction que les gens ont en direct pendant la présentation va avoir une influence aussi directe sur la suite du projet, les numéros qui font le plus réagir les gens. Et j'imagine qu'on va chercher aussi beaucoup la part, l'opinion du public suite à des présentations comme ça. Ouais, exactement. Puis il y a des numéros en fait qui avaient été faits dans la dernière version, qui avaient été vraiment beaucoup appréciés, puis qui ont été refaits par la suite après le show qu'on avait eu, fait qu'il y avait eu des petits segments qui avaient été reproduits. Puis on a gardé les expériences qui étaient les plus intéressantes pour en faire meilleur usage. Oui, ben tu parlais tantôt de réalité augmentée, par exemple. Je pense un bon exemple aussi de réutilisation, voire de numérisation. Parce que dans le fond, il y avait un numéro l'an dernier où un des artistes de cirque faisait des acrobaties avec des feuilles de papier, essayait de rentrer, dans le fond, physiquement dans une feuille de papier. Et donc, on peut imaginer qu'avec des marqueurs, là, on peut pousser un peu plus loin l'interaction entre la feuille, son contenu et l'artiste. Oui, exactement. Ben, le numéro de feuille de papier va être fait pendant le spectacle, puis je veux pas en dire trop pour pas dévoiler le déroulement de ce numéro, mais si vous venez au spectacle, vous verrez comment ça a été transformé, puis comment la technologie est venue apporter un petit quelque chose à ce numéro-là. Et parallèlement, en fait, on a vu aussi circuler sur les Facebook, notamment celui de Parenthèse 9, qui chapeaute le projet, des expériences de motion capture, donc des artistes de cirque auxquels on a mis un costume pour aller chercher tous les mouvements. Peux-tu nous en parler un petit peu de ces séries? Oui, ben on a eu la chance d'aller passer une journée au laboratoire de vision numérique de l'Université Laval. Denis Ouellet nous a prêté un coup de main pour montrer un petit peu comment fonctionnait le système, puis ensuite Simon qui est notre acrobate a enfilé le costume puis au moyen de caméras qui sont installées dans la pièce et de capteurs qui sont positionnés sur la personne, il y a un système qui permet d'enregistrer en fait tous les mouvements qui sont faits, un petit peu comme on voit dans les films là, quand il y a une personne qui fait des mouvements, que ça soit pour un personnage qui fait du combat ou par exemple pour je crois que le dragon dans Bilbo le Hobbit est fait comme ça. Là, c'est une personne en fait qui porte ce costume de motion capture. Puis ensuite, une fois qu'on a le mouvement qui est enregistré, dans le fond, on peut soit lui mettre un personnage 3D classique ou un animal ou un monstre, ce qu'on veut en fait. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de jouer un peu, parce qu'il y a toujours un peu, j'imagine, ce défi-là au niveau, dès qu'on rentre dans l'informatique, dans le numérique, faut aller chercher des choses qui ont déjà peut-être été un peu entamées, détourner des usages de code existants, pas partir de zéro. Ouais, exactement. Il y a quand même beaucoup dans notre entourage proche des personnes qui collaborent au projet du côté technologique. Il y a tout un tas de, on va dire, d'outils qui est à notre disposition. Fait qu'on a pu explorer, on parlait tout à l'heure des Kinect, tout ça, c'est des choses qui avaient déjà été un petit peu utilisées, mais pas vraiment explorées d'un côté plus artistique. Fait que c'est intéressant de voir aussi que certains défis qui étaient proposés par la Kinect, comme par exemple le manque de précision, deviennent un atout dans le cadre du projet, parce que cette imprécision-là crée une expérience artistique qui est beaucoup plus intéressante, puis visuellement beaucoup plus belle, alors que dans un projet de mesure vraiment où on veut avoir des positions exactes, là ça posait problème. Nous, ça ne pose plus de problème pour ce projet artistique-là. Évidemment, Benoît Dunois, on comprend que le projet est toujours en création, en recherche. Ça sera le cas jusque essentiellement aux deux, quelques heures avant la présentation. Est-ce que déjà de ton côté, t'as des trucs que t'as l'impression que l'équipe a réussi à mettre le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant, des petits coups de cœur qui semblent vouloir émerger? Il y a plusieurs expériences qui sont intéressantes. Une moi qui me plaît beaucoup dans ce projet, puis qui avait déjà été entamée en fait, puis qu'on va pousser un petit peu plus loin, c'est de la jonglerie avec les anneaux. Il y avait un numéro de jonglerie avec d'anneaux qui joue un petit peu avec le côté ombre chinoise et animation 2D. Ce numéro-là va être fait de nouveau et va être amélioré avec plus de contenu, parce que l'expérience avait été positive lors du premier spectacle, puis on avait eu des bons retours. Et qu'on va essayer de le bonifier, puis voir qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce numéro-là. Alors, Alors, ben, on lance l'invitation, évidemment, aux gens de venir découvrir le résultat de tout ça le 2 avril prochain. Benoît Duinant, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Bonne journée. À bientôt. Alors voilà, c'était Benoît Duinant, donc spécialiste des technologies, également jongleur, donc l'un des participants à ce projet. Le fabuleux cabaret numérique Cirque Dessiné, projet auquel j'ai le plaisir, je le redis, de collaborer d'ailleurs. Et la présentation, je le rappelle, ce sera le 2 avril prochain à 19h30 du côté du Musée de la Civilisation. L'entrée est gratuite, contribution volontaire, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. On continue toujours à la vie en BD. Quelques regards sur des sorties récentes, notamment le tome 35 de Torgal qui est arrivé tout récemment, en route vers le 40e anniversaire d'ailleurs du personnage, évidemment, qui sera mis en valeur dans le cadre du festival prochainement. Et dans le fond, le tome 35, Le Feu Écarlate, c'est ses derniers tomes, en fait, pour recontextualiser pour ceux qui ont un peu déconnecté de la série. Là, présentement, c'est comme quatre séries parallèles. Dans le fond, Louvre, la fille de Torgal, Chris de Valnor, donc l'ancienne maîtresse de Torgal, également donc la jeunesse de Torgal. Donc ces trois séries-là évoluent en parallèle de la série principale qui est Torgal tout court. Et dans le fond, le tome 35, dans le cadre de la série principale, c'est le dernier avant l'album qui va unir l'ensemble de ces séries parallèles. Évidemment, il reste encore, je crois, deux tomes de Chris de Valdar, au moins un tome du côté de Louvre. Alors, il y a encore un peu de travail à faire avant qu'on voit exactement quelles seront les cartes là, à l'arrivée de tout ça. Donc, ça reste un contexte qui est assez intéressant et ça donne envie de voir quel sera ce tome 36 de la série. Évidemment, c'est peut-être aussi ce qui vient jouer en défaveur du tome 35, parce qu'on a hâte de voir le tome 36, et somme toute, bien qu'il y a des enjeux psychologiques important dans le tome 35, mais reste qu'il ne s'y passe pas tant de choses que ça. C'est un album tout en valses, hésitations, qui se passe peut-être dans un laps de temps relativement serré. Alors, l'enjeu est somme toute, donc, comme je disais, psychologique, mais donc, il n'y a pas de... Même si on est presque sur le bord de l'apocalypse, on dirait qu'on n'a pas nécessairement la même urgence que l'on avait dans d'autres tomes de cette série-là dans le passé. Alors, dans ce cas-ci, ben essentiellement, c'est le fils de Torgal, Aniel, qu'on retrouve en pleine métamorphose. Il est en train de devenir un dieu qui pourrait potentiellement sauver le monde ou causer sa perte. Et Torgal qui doit, dans un geste ultime, mais dans le fond, tenter de le sauver ou tenter de sauver le monde ou les deux. Ou aucun des deux. Somme toute, c'est là un peu l'enjeu, le suspense, évidemment, avec l'héritage psychologique de toute cette relation-là, assez difficile, assez tendue. Aniel qui s'est fait essentiellement laver le cerveau, mais somme toute, Torgal qui n'était pas nécessairement un père exemplaire non plus. Donc, c'est un peu aussi peut-être derniers moments qu'ils passent ensemble ou qu'ils tentent de passer ensemble. Alors, il y a quand même des choses qui se brassent, on s'entend, mais ça reste donc un laps de temps très court avec beaucoup de moments qui semblent se répéter au fil de cet album-là. Couleur directe, toujours de Grégoire Rosinski, qui reste des pages absolument superbes, on s'entend, mais c'est beaucoup plus sombre aussi, c'est le soir, la nuit, c'est du feu, alors c'est peut-être un peu moins clair que dans d'autres albums ou dans d'autres types de paysages. C'est pas des teintes qu'on voyait régulièrement, si on peut dire, du côté de la série. Alors c'est des petits éléments comme ça qui rendent le tome 35 peut-être un peu plus difficile, mais reste que ces genres de situations où on a lu le 34, on veut lire le 36, à un moment donné, on n'a pas le choix de lire le 35. Et si vous aimez la série, vous l'avez probablement déjà acheté. De toute façon, pour les autres, ben évidemment, c'est une série qui demeure à découvrir ou à lire là, d'une manière ou d'une autre, là, mais c'est pas le meilleur album de la série, on s'entend. Alors donc, le tome 35, donc le feu écarlate de cette série, Torgal. Et autre petit clin d'œil, en fait, rapide, dans ce cas-ci, tome 9 de Picobug. d'Alexis Dormal et Dominique Rock, donc duo fils et mère, qui raconte comme à l'habitude les histoires et les petites anecdotes de Pico Bug et sa sœur Anna. Anna, toujours des mots d'enfant, mais très philosophiques, presque adultes. C'est une habitude, dans le fond, là, bientôt, où on voit et on arrive à l'automne avec toujours cette série, un album qui sort presque rituellement à chaque année, ben au printemps au Québec, en automne en France. Alors, des histoires simples, des strips qui sont pas des gags, mais sont pas nécessairement pas des gags non plus, qui sont philosophiques ou humoristiques. Donc, on réussit quand même à avoir une variété de tons. C'est pas le genre d'album à gags qu'on rit à gorge déployée, mais c'est le genre d'album à gags qu'on sourit, dont on profite dans le fond, dans la finesse des termes, des mots, des situations qui sont imaginées, qui sont une projection dans le fond de l'enfant qui est plus philosophe que ses parents, qui remet les choses en question. On profite donc du biais de curiosité qu'on associe à l'enfance, et évidemment on la pousse à un certain paroxysme où on le rend presque adulte dans certaines de ses réflexions, mais dans des situations enfantines. Donc ça donne quand même une dynamique assez intéressante. Moi, dans les premiers albums, je voyais un peu la correspondance dans un certain esprit avec la série Le Petit Nicolas, évidemment avec son caractère à lui, là, on s'entend. Mais donc, ça marche bien, c'est sympathique, c'est agréable comme lecture. Et ben, on réussit, dans le fond, à, si on peut dire, toujours renouveler ou, disons, faire évoluer légèrement la formule à chaque album, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression non plus que c'est la même chose à chaque fois. Et donc, ce qui fait que ça continue de marcher. Si vous avez accroché sur cette série-là, ben, je pense que vous ne serez pas déçus avec le tome 9. Ça reste dans la même lancée avec, comme je disais, cette petite progression nécessaire. Pour ceux qui n'ont pas encore accroché sur cette série-là, feuilletez-la, vous allez voir, le dessin est vraiment chouette, vraiment, vraiment beau. Cute, pour reprendre le terme qui revient tout le temps dans le tome 9. Et ben, les histoires, ça marche, ça fonctionne. Alors, ben voilà, tome 9 de Pico Bug avec le sous-titre « Carnet de bar ». On retourne en musique toujours avec les gens de cette formation Astro de Fox. On écoute la pièce « Commodore Missiles ». Bonjour, écoute de la vie en BD. Je vous rappelle, donc, dernière semaine avant une petite pause, une semaine pour le Radioton 2017 de CKRL et la vie en BD qui sera de retour après cette semaine, la semaine du 7, en fait, le vendredi 7 avril prochain, dans le cadre d'une émission spéciale à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, au fil de laquelle on aura le plaisir d'avoir trois des invités internationaux du festival avec nous. Mais pour l'instant, on s'intéresse au festival, mais à différents éléments qui vont composer sa riche programmation. Il y a énormément de choses. Et parmi celle-ci, eh ben, une conférence dessinée que j'ai eu le plaisir d'initier dans une série qui s'appelle Planche d'histoire. La conférence s'appelle Les fromages du Québec en trois tomes et c'est un concept où on met en lien une illustratrice, une bédéiste et une historienne. Donc j'utilise les unes puisque dans ce cas-ci, ce sont deux femmes qui ont le plaisir de travailler ensemble et de travailler autour de ce projet. Donc Bach du côté du dessin et Catherine Ferland du côté de l'histoire. Catherine est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine Ferland, mais peut-être dans l'emblée, quand on t'approche inopinément avec un projet de conférence dessinée, comment on reçoit ça et qu'est-ce qui fait que comme historienne, on a envie de se lancer dans un défi comme celui-là? Ah ben le mot ici c'est vraiment défi, hein, parce que Raymond, tu sais que moi je fais beaucoup de conférences sur l'histoire gourmande, je me promène un peu partout avec ces conférences là, mais disons que là il y a tout un défi parce que de travailler avec un PowerPoint c'est une chose, mais là d'avoir la chance, le privilège de travailler avec Bach, moi écoute, quand l'idée m'a été soumise, j'ai capoté là, j'ai fait waouh, quelle belle opportunité de transcender les genres aussi, ça j'adore ça. À un moment donné c'est le fun de sortir un peu de nos ornières, donc oui c'est vraiment fantastique. Et j'imagine qu'il faut cadrer différemment quand même le mode, l'approche qu'on va mettre de l'avant dans la conférence, dans la mesure où là, il y a des moments où on illustre, où l'histoire qu'on raconte est illustrée, donc ça change j'imagine un peu la dynamique de travail côté préparation. Ah oui, définitivement. Je dirais que moi, comme historienne, bon, quand j'ai mon PowerPoint, c'est sûr, en fait, j'ai pas des PowerPoint trop classiques. Ceux qui me suivent, ceux qui sont déjà venus à mes conférences savent que c'est pas le genre de truc où il y a ben du texte, c'est surtout des images. Mais je suis habituée d'avoir mes cues, je contrôle mon visuel. Tandis que là, c'est un peu de me lancer dans le vide. Mais bon, comme j'ai extrêmement confiance dans le travail d'Estelle Bachelard, donc Bach qui fait un travail génial, et de savoir que finalement, on crée une complicité autour du projet. Elle est en train de se former à l'histoire des fromages, tout comme je suis en train de me former à l'art de les dessiner. Donc, je trouve ça génial, cette chimie-là qu'on est en train d'installer. Mais c'est certain que moi, ça vient me chercher, ça me déstabilise beaucoup et je trouve ça fantastique comme opportunité. Et Catherine, le thème des fromages est venu de toi, en fait. Tu t'es spécialisée au fil des années. Je pense qu'on t'entend beaucoup, on te voit beaucoup autour de l'histoire gastronomique, de l'histoire épicurienne, si on peut dire, du Québec. Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser peut-être à ce pan, justement, de l'histoire-là, de manière générale? Ah, mon Dieu! Disons que moi, c'est une curiosité que j'ai toujours eue, hein, de dire, bon, comment ça se fait que, par exemple, on fasse tel ou tel type de choix de depuis quand on consomme tel ou tel aliment? Est-ce qu'on a toujours produit ça ici? Donc, moi, c'est des questions qui, de façon tout à fait personnelle, m'animaient depuis longtemps. Alors, quand j'ai commencé à travailler vraiment sur l'histoire du Québec, à la base, moi, c'était l'histoire de la Nouvelle-France, donc vraiment l'installation des colons ici, qu'est-ce qu'on était capable de produire, qu'est-ce qu'on devait importer, ben assez rapidement, je me suis rendu compte que tout ce qui touchait les alcools, la gastronomie, c'était vraiment ce qui me faisait vibrer, moi, comme historienne aussi. Et c'est de ça que j'avais envie de jaser quand je faisais des conférences. Alors, le choix s'est un peu posé de lui-même. C'est quelque chose avec lequel, moi, j'adore travailler. Puis, je me rends compte aussi qu'il y a une grande curiosité dans le public. Hein. Quand je me promène avec ces conférences-là, les gens sont contents d'en apprendre davantage. Des fois, c'est sur la bière, des fois, c'est sur le vin, des fois, c'est sur, dans ce cas-ci, sur les fromages. Alors, c'est très, très chouette. Et en même temps, ce que je trouve particulier, parce qu'on parle de vin, de bière, de fromage, dans les trois cas, l'impression que j'en ai, c'est que notre histoire de production, ou l'impression que j'en ai au premier regard, c'est qu'on a une histoire qui est relativement jeune là-dedans. C'est récent qu'il y a beaucoup de fromage, qu'on en parle, qu'on en jase. C'est récent qu'on fait du vin. Les bières, en fait, on a l'impression presque aussi que ça vient d'éclater. Alors que l'histoire, en fait, si on creuse un peu, il y a quand même un bon passé qui remonte au début de la colonie, voire même au-delà. Ah, ben oui, absolument. C'est sûr que du niveau des alcools, il n'y avait pas de production autochtone. Alors, c'est sûr que tout démarre vraiment avec le début de la colonisation française ici dans la vallée du Saint-Laurent. Mais assez rapidement, on va avoir des productions originales, des productions qui vont se démarquer. Il y a certains produits que ça va prendre un certain temps avant de vraiment prendre un essor. Quand on pense à la bière, ben c'est surtout sous le régime anglais, on se le cachera pas. Quand les Britanniques arrivent, bon, avec leurs nouvelles recettes et tout ça, il y a une explosion là au niveau de brassicole dans la colonie. Pour les fromages, c'est un petit peu quelque chose aussi qu'on va observer assez classique au niveau de la Nouvelle-France, et par la suite, on va se mettre à produire beaucoup, mais je révélerai pas tout maintenant parce qu'on espère avoir des gens le 3 avril pour la conférence, mais disons qu'il y a vraiment des choses qui vont se produire entre le moment où la colonisation commence puis ce qu'on observe maintenant en 2017, là, définitivement, ça bouge beaucoup. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent, ben oui, justement, je me rappelle, aujourd'hui, on a des options, on a des choix de fromage. Quand j'étais plus jeune, mettons des années 40, 50, 60, il y avait juste du cheddar, puis on mangeait juste du cheddar ou du fromage qui fait squick-quick, puis c'était pas mal ça, les fromages du Québec, dans le fond. Ben oui, c'était ça, puis le fromage fancy, si on peut me passer l'expression, c'était le fromage au cas. Hein, le Oka, que je pense que pas mal tout le monde connaît, qui était pas mal le seul fromage un peu de spécialité qu'on pouvait se mettre sous la dent au Québec pendant très longtemps. Et ça fait pas si longtemps, finalement, que la situation a évolué comme ça, qu'on est rendu à plusieurs centaines de fromages produits ici au Québec avec des recettes, avec des façons de faire. C'est une rencontre de terroir, de savoir-faire, c'est fantastique. Donc oui, c'est beau ce qui se passe. Puis on a notre part aussi comme consommateur. Moi, c'est certain que comme historienne, j'ai un regard vers le passé, mais j'ai toujours un pied dans le présent aussi, puis je me dis, mon Dieu, qu'on a notre rôle à jouer maintenant et ici dans le choix qu'on fait d'encourager nos producteurs locaux. Donc, j'espère avoir l'occasion de mettre l'eau à la bouche à tout le monde et l'envie aussi de consommer des fromages québécois. Oui, ben, enfin, j'ai eu l'occasion de participer à quelques séances avec toi et Bach là-dessus. Et le consensus, généralement, quand on part, c'est qu'on a envie de passer une fromagerie, justement, pour aller s'en procurer un peu. Et c'est le genre de situation aussi que tu dois rencontrer au fil de tes conférences. Ce que tu fais de l'histoire qui donne soif ou qui donne faim. Oui. Et à la limite, en fait, j'imagine que de ton côté aussi, ça suit un peu. peu, c'est le plaisir de la chose alimentaire, l'histoire, une historienne du plaisir, dans le fond, ça veut dire que t'as envie de faire plaisir au monde un peu, oui. Ou de te faire plaisir à toi-même aussi en transmettant tout ça. Ben absolument. Souvent, j'ai d'ailleurs la formule de conférence avec dégustation. Ça fonctionne très, très bien. À ce moment-là, je peux arriver avec, par exemple, une trilogie de cidre ou bien des fromages ou bien des vins, des alcools du Québec. Je travaille exclusivement avec des alcools du Québec. Donc, ça, c'est le fun. C'est des belles découvertes pour les gens qui, souvent, quand ils passent à la Société des alcools, des fois, il peut y avoir encore une réserve, une hésitation. On ne sait pas trop. Hein. Est-ce que c'est bon, tel produit, tel vin et tout ça? Alors, moi, j'en profite. Je saisis la tribune qui m'est donnée. Bon, je fais une conférence d'histoire, soit, mais on goûte des choses qui se font ici et maintenant. Donc, ça ouvre des horizons. Je trouve ça génial. Et, si on parle de la conférence du 3 avril, ben justement, il va y avoir un volet dégustation aussi, c'est certain. Donc, je pense que tous les sens vont être sollicités. C'est ça qui est intéressant dans ce concept-là. Je suis vraiment contente parce qu'on va pouvoir parler d'histoire, on va pouvoir goûter des produits, on va pouvoir voir le travail qui se fait sous nos yeux, que Stelle va illustrer à mesure. Donc, on va avoir vraiment quelque chose de qui va solliciter finalement tous les sens. Et d'ailleurs, en fait, je mentionne, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent aussi, qui ont été voir les dernières conférences. Vous avez décidé, toi et Estelle, de vous distancer un peu du concept habituel où vraiment tout est répété, cadré. Vous savez précisément quel dessin vous allez intégrer. Dans ce cas-ci, tu tenais à intégrer une dimension d'improvisation aussi, oui. À la conférence. Oui, absolument. L'improvisation qui va venir, non pas tant de moi ou d'Estelle, mais vraiment du public, à savoir, on va prendre les questions pendant la conférence. Et je sais que, bon, j'ai des collègues historiens qui sont moins confortables avec ça. Je respecte ça. C'est une façon de travailler. Mais moi, personnellement, quand je travaille, j'adore ça, prendre les questions du public pendant. Je trouve que ça donne un dynamisme, ça donne une interaction qui est difficile à battre, là, on s'entend. Et ça raccroche. Les gens peuvent, sur le vif, poser les questions qu'ils ont en tête. Au besoin, je leur dis, ben on y viendra plus tard, mais ça, c'est pas grave. Et disons que dans cette conférence-là, on va se donner ce luxe d'improviser finalement. Et comme Estelle est familière avec le travail d'impro BD, et moi que je suis, bon, justement très à l'aise avec l'improvisation, on pourrait dire historique, alors on va pouvoir juxtaposer comme ça cette aisance qu'on a à prendre les questions pendant. Ça devrait donner des beaux moments, là. Encore là, on se met un peu en danger, mais je pense que je suis très, très confiante que ça va très bien se passer. Oui, mais en même temps, ben, tu disais tantôt, en fait, tu t'entends beaucoup de conférences. Et si on suit ton blog ou on te suit à gauche, à droite, on voit que tu es très active. Alors, j'imagine que d'aller dans une dynamique comme ça aussi, pour toi, ça devient nécessaire pour que chaque conférence ne soit pas exactement la même. Oui, ah oui, forcément. J'ai des gens qui me suivent, hein, vraiment, qui viennent presque à chaque conférence que je fais dans la région de Québec et même à l'occasion dans d'autres régions. Et je peux vous assurer que je me répète pas d'une fois à l'autre. C'est toujours du nouveau, c'est toujours une nouvelle façon de l'amener. Et dans ce cas-ci, même si l'élément dessiné est nouveau, ben je tenais quand même à garder un élément de spontanéité. Pour moi, c'est très important. C'est ce qui fait la richesse puis la rencontre aussi avec les gens que je vois là quand je vais faire les conférences. Donc, d'être capable de prendre les commentaires, de prendre les interrogations que les gens ont en tête, ça peut nous amener très loin et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, en fait, si on parle de nous amener très loin, évidemment, la conférence s'appelle l'histoire des fromages, les fromages au Québec en 3 tomes, mais on se limite pas justement au Québec, puisque pour qu'il y ait des fromages au Québec, il a fallu qu'il y en ait avant. Mm-hmm. Et tu remontes quand même assez loin aussi, je pense qu'on s'en va jusqu'en préhistoire. Oui, oui, oui, il faut vraiment reculer dans le temps. On sait que le fromage apparaît au Néolithique et c'est important d'essayer de placer ça dans le temps pour montrer après ça de quelle façon ça va se produire, la transmission du fromage jusqu'en France, puis après ça de la France à la Nouvelle-France, ensuite ici avec les influences américaines, avec les influences européennes qui vont continuer d'arriver tout au long du 19e siècle. Donc c'est sûr qu'on se fait plaisir, on va vraiment dérouler le fil du temps en partant de très très loin pour arriver jusqu'à nos jours. De temps en temps, on peut se permettre des petites digressions, c'est toujours ce qui est intéressant aussi, et c'est quand même en suivant cette chronologie-là, en 3 tomes. On aime bien le jeu de mots ici, donc la tome de fromage ou le tome comme un livre, et ça permet comme ça d'organiser l'information là, à partir du néolithique jusqu'à nos jours. Et le fait de ne pas passer par un PowerPoint aussi, évidemment, ça élimine l'accès, ou en bonne partie, voire en totale partie, à l'image historique. Mais ça veut dire aussi que j'imagine qu'il y a un certain accompagnement qu'il faut faire avec le dessin pour s'assurer qu'il y a, à tout le moins dans les segments qui doivent être historiquement véridiques, qu'on retrouve, oui, cette véracité-là. Absolument. Et je dirais que c'est tout à l'honneur d'Estelle Bachelard d'avoir ce souci-là quand même de documenter du mieux possible. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre les gens en garde aussi. Estelle n'est pas une dessinatrice d'histoire, donc on va se permettre quand même des digressions et ça va être intéressant même pour moi de pouvoir rectifier le tir en cours de route. Je pense que c'est un travail qui est nécessaire pour avoir déjà collaboré avec des illustrateurs au niveau de l'écrit, par exemple pour des livres, des publications. Je sais que ce travail-là est intéressant, mais dans ce cas-ci, il est moins indispensable et je dirais même que on se privera pas, sans vendre de punch, de certains éléments comiques là, que cette moins bonne connaissance de l'histoire d'Estelle peuvent apporter là, au propos. Donc, ça va justement être un élément sur lequel on va jouer, on va s'amuser avec ça. Alors, on découvre évidemment tout ça le 3 avril prochain. C'est à partir de 17h30, donc avec la partie 5 à 7 dégustation du côté de la chapelle du Musée de l'Amérique française. Et les billets sont sur le site web du Musée de la civilisation. Catherine Ferland, historienne, merci beaucoup. Merci Raymond, à bientôt. À bientôt. Ah, voilà, donc on parlait de cette conférence, donc planche d'histoire, l'histoire, les fromages en fait du Québec en 3 tomes. Je rappelle donc le 3 avril dans le cadre du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et on est dans la dernière ligne droite de cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Et on va porter un regard vers un album qui sera lancé autour du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. En fait, qui arrivera sur les étals en disponibilité le 5 avril. Et le 6 avril, eh ben, on aura l'occasion d'aller à la rencontre de ces artisans lors d'une conférence, en fait, un 7 à 9 au Musée de la civilisation qui nous amènera dans les coulisses de tout ça. Il y a une exposition également qui sera présentée du côté de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, tout ça autour d'un livre qui s'appelle 1792, donc à main levée, aux publications du Québec, ben, qui nous entraîne, nous amène dans l'histoire du parlementarisme canadien pour le 225e anniversaire de l'Assemblée nationale, et tout ça en BD. Alors, pour en parler avec nous, ben, en studio, on a le directeur du service de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, Jacques Gagnon, bonjour. Bonjour. Et au bout du fil, Michel Giguère, spécialiste de la BD, qui agit comme expert conseil sur la production du recueil. Bonjour. Salut Raymond, salut Jacques. Alors, ben, la question initiale, en fait, évidemment, pourquoi on y va vers une bande dessinée pour le 225e anniversaire de l'Assemblée nationale? Bien, l'année 2017, c'est ça, c'est le 225e anniversaire des premières élections tenues au Bas-Canada en 1792. On cherchait un angle d'attaque, on cherchait une manière originale de souligner l'événement. Évidemment, il y avait dans nos cartons une exposition dans les murs de l'hôtel du Parlement. Et c'est par le plus grand des hasards que deux des artisans du projet, Magali Paquin et Christian Blais, qui sont des employés de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, ont pris connaissance de ce qui est reconnu dans le milieu comme étant sans aucun doute la première bande dessinée francophone à phylactère. Et double hasard, cette bande dessinée-là intitulé « À tous les électeurs » porte justement sur les premières élections de 1792 à Québec, et c'est une bande dessinée qui incitait la population de Québec à voter lors de ces premières élections-là. Alors là, on a vraiment frappé un grand coup. On s'est dit, voilà notre filon, double anniversaire, 225e anniversaire des institutions parlementaires, 225e anniversaire de la bande dessinée québécoise, en quelque sorte, et voilà notre filon. Nous allons publier un recueil de bandes dessinées de nature historique, célébrant le 225e anniversaire. Et en même temps, c'est le genre de projet qui permet donc d'aller chercher vers l'externe donc des auteurs BD, mais aussi d'aller chercher de l'expertise à l'interne avec les historiens de l'Assemblée nationale, parce que dans la facture, les gens vont le voir, quand l'album va être disponible, il y a les bandes dessinées, mais il y a aussi un gros travail de recherche historique, il y a des illustrations historiques, donc on met tout en relation, dans le fond, l'histoire racontée façon histoire et façon bande dessinée, côte à côte, là. Absolument. Au-delà du recueil de BD, de 4 BD originales, cette publication-là contient évidemment des introductions historiques, claires, vivantes, simplifiées, et toute une partie source d'inspiration. Qu'est-ce qui a inspiré les BDistes? Qu'est-ce qui les a amenés à recréer de la façon la plus réaliste possible la vie, le panorama du Bas-Canada à l'époque? Alors, notre équipe à l'Assemblée nationale, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, entre autres notre historien Christian Blais, a fait un travail énorme pour colliger des sources, pour colliger un certain nombre d'illustrations, pour justement fournir du matériel de base à nos BDistes. Il faut savoir que les bandes dessinées, en fait, sont en appoint des textes. Christian a fait un tour de force de synthèse. Ce sont pas des textes très longs, mais tout est planté, tout est, pour ce qui est des enjeux du contexte, tout est fourni par le texte. Et ça laissait le champ libre aux BDistes. Nous, c'était très important. C'était vraiment une ligne éditoriale qu'on voulait mettre de l'avant. Les BDistes, eux, avaient à transporter les lecteurs dans cette époque-là, les faire voyager dans le temps, mais surtout ne pas expliquer les faits, les événements, ne pas faire dans le didactisme qu'on a trop souvent vu dans ce type de recueil-là. Alors, on leur a demandé plutôt de se laisser aller dans la mise en scène, dans des mises en page, s'ils voulaient, qui pouvaient être aérées, prendre le temps de raconter les scènes, et c'est ce qu'ils ont fait, si bien que les deux s'interpénètrent, les deux sont indissociables, et la beauté de la chose, c'est que Christian, l'historien, a travaillé étroitement avec chacun des BDistes pour ce qui est des sources documentaires, puis à la rigueur, ça paraît pas, c'est complètement digéré par le style des BDistes, ça alourdit rien. Mais même quand le style de dessin est pas réaliste, c'est archi-documenté. Oui, en fait, ça me donnait l'impression, tu sais, d'un côté, en fait, comme l'histoire est faite, on s'émancipe un peu de la nécessité d'expliquer, de contextualiser, et on peut nous faire vivre, dans le fond, une interprétation de ce moment-là. On est plus dans la recréation de l'atmosphère, de l'époque. Au lieu d'expliquer les enjeux, on en fait, j'espère qu'on le réussit, on fait ressentir l'importance, l'espèce de tension qu'il y avait autour de ces enjeux-là. Et le choix des enjeux, justement, était quand même, j'imagine, assez crucial. En fait, on a Voreau qui s'intéresse justement à cette première élection de 1792. On a Réal Godbout qui s'intéresse aux 92 résolutions. Vincent Giard à la figure de Pierre Stanislas Bédard. Van, elle, qui s'intéresse au débat sur les langues. J'imagine le premier grand travail de ce recueil-là, ça a été de choisir les épisodes, de choisir les auteurs et de choisir les épisodes. Tout à fait. Dès le départ, on a voulu choisir des événements marquants, oui, des événements ou des sujets, des personnages marquants pour inspirer un peu nos BDistes. Alors, ce choix-là, il a été fait en tout après une longue réflexion, et on a retenu quatre thèmes vraiment incontournables de la naissance et de l'évolution de nos institutions parlementaires dans ces premières décennies. Oui, c'est un peu détaillé d'ailleurs en conclusion. Vous expliquez un peu ces biais-là. Vous dites, ben, essentiellement, on veut montrer à travers ça l'impact, dans le fond, du travail des parlementaires et le fait que ce qui est fait à l'Assemblée nationale, ben, laisse une trace durable, dans le fond, sur l'évolution de notre société. Le débat sur les langues, par exemple, c'est un moment quand même assez déterminant, on s'entend, là. Tout à fait. Il y a des parallèles que le lecteur pourra sans doute faire lui-même entre les événements ou les personnages d'époque et la réalité au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Et Michel Giguère, en fait, dans le choix des auteurs aussi, je me rappelle de l'appel de projet qui avait été lancé. Vous aviez reçu une quantité presque astronomique, tout compte fait, en fait, de propositions. Vous en avez retenu 4. Et les 4 que vous avez choisis sont aussi variés en termes de style, en termes de ton. Donc, on a vraiment choisi d'offrir un éventail de ce qui est produit en bande dessinée québécoise. Oui, d'ailleurs, à cette époque-là, à l'automne 2015... Ça remonte à loin quand même. La coordonnatrice de l'album, Magali Paquin, et moi, on était à ton micro pour parler de l'appel de candidature et du projet. On a reçu 112 dossiers de candidature qui ont été jugés, traités dans les moindres détails par un jury de 6 personnes. On a délibéré pendant une journée entière. Et faut savoir qu'on n'a en fait pas choisi 4 BDistes. On a plutôt formé un quatuor. Pour être, comme tu le mentionnais tantôt, pour essayer de présenter un échantillon représentatif de la bande dessinée québécoise en 2017, pour faire écho à la bande dessinée, à nos électeurs faite en 1792, quel concept extraordinaire d'abord d'avoir trouvé cette planche-là. Merci à Michel Villot qui nous l'a signalé, qui a trouvé ça dans les archives de l'Université McGill. Et puis maintenant, il faut vraiment donner le pouls de ce qu'était, parce que là, je parle comme si j'étais dans le futur, mais il y aura une pérennité pour cet album-là. Donc, en 2017, ça ressemblait à quoi la bande dessinée québécoise? Alors, on a Réal Godbout, qui est dans la jeune soixantaine, qui est présent dans la bande dessinée québécoise depuis l'époque de la contre-culture, de ce qu'on a appelé le printemps de la BDK, qui est resté présent, un auteur incontournable. On a Voro, qui est très représentatif de ces BDistes québécois qui œuvrent, qui publient chez des gros éditeurs européens, mais depuis l'heure chez eux, qui n'ont pas besoin de s'exiler. Dans le cas de Voro, le chanceux, lui, il vit dans son village du Bic et il publie en Europe. Ensuite, Vincent Giard, qui est complètement ailleurs, dans un créneau plus alternatif, qui est une figure dominante, très active dans le milieu de la bande dessinée alternative au Québec, entre autres en tant que micro-éditeur, et qui a un dessin qui relève de la poésie visuelle, et les couleurs, même chose. Et puis, notre Joker, qui est donc la représentante d'abord de féminine, mais aussi la plus jeune, qui est pas très connue pour ce qui est des lecteurs de BD sous forme de livres, mais qui est plus connue sur le web, qui travaille essentiellement jusqu'ici dans le domaine de l'animation, qui s'appelle Vanessa Lalonde, qui est fait carrière sous le pseudonyme de Van, et puis qui est dans un style de dessin qui est plus près de l'animation, justement. Alors, des styles, des parcours professionnels, des générations, tout ça pour avoir vraiment cet échantillonnage-là représentatif de cette diversité-là, qu'on a, je l'espère, cette diversité transformée en complémentarité pour que tout ça se tienne. Et comment on les lance, en fait? Parce que j'imagine que d'accepter, en fait, bon, une fois qu'on est passé, qu'on a été choisi, on se lance dans un projet comme ça, on sait que c'est un projet qui vise à être pérenne. En fait, je pense que tu as mis un peu la carte et Jacques Gagnon l'a mis aussi. Et en même temps, mais c'est quand même aussi un projet, une commande de l'Assemblée nationale du Québec. Quelque chose, c'est quand même une institution majeure, voire l'institution principale de notre démocratie ici en province. Donc, j'imagine qu'il y a un défi aussi où que certains pourraient avoir le réflexe de rester peut-être un peu trop sages. Mais dans le fond, est-ce qu'on les pousse pour qu'ils s'éclatent, pour qu'ils éclatent un peu leur sujet? Comment on les accompagne, dans le fond, ces auteurs-là? Mais, Michel, tu pourras compléter, mais dès le départ, c'était audacieux. On en convient, l'Assemblée nationale, institution démocratique, de se lancer dans ce projet, c'était audacieux. On a voulu vraiment les accompagner, mais en même temps, leur laisser tout à fait le champ libre quant à la création. L'accompagnement a été très très présent. Michel pourra en parler en détail, mais on a voulu vraiment leur laisser une grande liberté de mouvement dans leur acte créatif. C'est bien certain que sur le plan du dessin, du style graphique, aussi bien que sur le plan du ton, de la narration, on les a choisis pour ce qu'ils font. sais, chacun de leur côté. Alors, on voulait pas niveler, on voulait pas uniformiser. Par contre, on a insisté pour conserver une ligne éditoriale cohérente. C'est important quand un recueil, non seulement qui présente quatre bandes dessinées de 8 pages faites par 4 BDistes contemporains, mais en plus une autre bande dessinée faite il y a 225 ans, du texte, une partie inspiration, là, genre catalogue raisonné, aussi qui fait un peu making-of, hein, parce que les images, les sources iconographiques sont accompagnées des croquis des BDistes. Alors, c'est un ouvrage qui peut paraître disparate, mais on le voulait cohérent. Donc, c'est ça. On les a accompagnés surtout en regard de la ligne éditoriale, par exemple, que ce soit pas trop didactique. Mais pour le reste, ma foi, c'est des gens expérimentés comme Voro et Godbout, Giard aussi, qui est un petit peu plus jeune, mais qui a toute une expérience. C'est des gens très autonomes, évidemment. Oui, donc dans le fond, c'est de voir un peu, leur proposer l'anecdote, dans le fond. Et d'ailleurs, comment s'est passé un peu la sélection? Est-ce que c'est vous qui avez un peu accolé les sujets choisis aux auteurs, ou est-ce que c'est les auteurs qui sont montrés particulièrement intéressés par un sujet ou un autre? Bien, ça remonte à l'appel de candidature. On a pris les devants, et dès l'appel de candidature, tout le monde était amené à choisir le cas échéant, parce qu'il y en a qui n'ont pas marqué de préférence, mais à choisir celui des 4 thèmes, ou peut-être de choisir les 2 thèmes qui les inspiraient davantage. Et puis, nous, ben, ça n'a pas vraiment fait partie de nos critères, là. Déjà que c'était pas évident de former un quatuor représentatif, comme je l'ai dit tout à l'heure. On était très contents de notre choix, mais on s'est pas occupé trop d'avoir une personne pour choisir chacun des 4 thèmes. C'est vraiment un hasard qui a fait que les 3 plus anciens, entre autres, sont tombés pile sur le thème qu'ils avaient choisi. Alors, ça a été parfait pour ça. Et puis, ma foi, Van était tellement surprise d'avoir été retenue. Elle en revenait tellement pas, elle, qui avait si peu publié. Mais nous, on était contents d'avoir quelqu'un de la relève, au contraire. Elle, quand bien même qu'elle n'avait pas son premier choix de thème, là, je t'avoue que c'était le dernier de ses soucis. Et en terminant, en fait, je mentionne aussi, on en parle de cet album-là, évidemment, si on veut pousser plus loin la discussion, je pense que j'ai envie de lancer l'invitation aux auditeurs, auditrices, à se rendre le 6 avril prochain à 19h au Musée de la Civilisation. Donc, Jacques Gagnon, Michel Giguère, vous allez être sur place avec les auteurs aussi, certains d'entre eux à tout le moins, pour échanger autour de ce projet, de nous amener un peu dans les coulisses de cet album. Ben là, ce sera en images avec des projections. En plus. Oui. Ce sera très riche comme expérience. Alors, ça, c'est le 6 avril, et également, il y a l'exposition qui, elle, est à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. À compter du 5. Et ça nous rappelle qu'on a accès à la Bibliothèque de l'Assemblée Absolument, nationale. Absolument. Le public est invité à venir voir cette exposition qui, encore là, va être maillée. Il va avoir un maillage avec la bande dessinée. Et puis, moi, je voudrais dire aux gens, cet album-là, ce recueil-là, c'est une bande dessinée historique à plus d'un titre. Une bande dessinée faite en 1792, c'est une des plus anciennes répertoriées, toutes langues confondues, surtout avec des bulles, avec le choix de BDistes qui ont fait un travail remarquable. C'est la bande dessinée historique, ma foi, dans ce cas-là, de plus passionnant, avec des personnages de notre propre histoire qu'on gagne à redécouvrir. Mais Michel Giguère, donc, spécialiste de la bande dessinée, expert conseil donc sur la production de ce recueil. Jacques Gagnon, directeur du service de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, merci à vous deux. Merci à toi. Et je rappelle que l'album s'appelle 1792, donc à main levée, et c'est disponible du côté des publications du Québec. Nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Je vous rappelle, la semaine prochaine, c'est le Radioton 2017 de CKRL. Nous, on sera de retour le 7 avril à 17h30 en direct du Festival de la BD, en direct du Centre des Congrès. Donc, pour une émission spéciale, soyez au rendez-vous. C'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1.